on saute par la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu fais étendu là? Comme ça quand tu dors, comme ça. Je suis toute seule.